putain de démon en moi. Quoi faire de moi, je ne sais pas. J'ai comme un démon en moi qui sort de l'anonymat. Animal, végétal, mélange Goku, Vegeta. Magistrat, marginal, côté double R qui part. J'viens d'en bas, j'monte en haut. J'fais du sale, j'fais de l'euro. Pas débat, parle trop. Comme Emma, du pipeau. Fuck la France, fuck l'euro. Fuck les riches, vive les pauvres. Ceux qui trichent, moi j'arrose. Pour ceux qui triment, pour zéro. Transcendance, j'prends le micro. Pour l'humain, c'est fini. J'mets la danse du ghetto. C'est la fin, c'est promis. Décadence, on est trop. On a faim, pas assez d'eau. Pour l'instant, on contrôle. Mais on frôle sur l'épaule. J'quitte l'école, ça change quoi. Les profs ne veulent pas de moi. Ça fait mal, vérité sort seul de moi. Tout le mal autour de moi. Les gens ne me comprennent pas. Vérité sort seul de moi. Vérité sort seul de moi. Moi ouais, ça va. Même si j'ai envie de péter un câble. J'ai envie de péter les plombs, sa mère la pute. Balle dans la tête, je résoudrai tous mes problèmes. Flamme dans la fête, anticonstitutionnelle. Dans flamme la tempête, que ceux qui en fassent rêver.